bateau nébuleux sur les flots bleus, les gens frileux quittent la grève. Deux amoureux restent là cependant quelques instants et l'on entend comme en un rêve. Madonna, pour qui chante l'oiseau? Qui coule le ruisseau pour toi, rien que pour toi, crois-moi. Madonna, la nature sourit pour toi, et la rose fleurit pour toi, oui, rien que pour toi. Je t'aime, tu es la lumière et la vie. Je t'aime, tu es toute l'harmonie, la poésie. Madonna, il n'est pas de bonheur sans toi. J'immolerai mon cœur pour toi. Oui, Madonna, pour toi. Puis tout se t'aimait là-bas d'un bateau, le chant si beau monte à nouveau sur la lagune. Un gondolier moderne troubadour